Vous pouvez me répondre si vous m'entendez. On se fout de ma gueule, je parie. Le roi de l'informatique, Bilos, là, il peut pas m'aider, là. Putain, je te jure, ces ingénieurs, là. Ah, test, check, 1, 2. Putain, pourquoi ça craque encore, bordel? Faut que je me reconnecte. Merde, sa race. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Je fais des concours de calculatrice. Je suis vraiment trop bon. Je fais le concours du robot qui balancera des balles en haut. Trop bon. Ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien, recherche femme, désespérément, je recherche une fille, un rat, une bouche, un slip, une culotte élastique, jetable. Je recherche un homme, un chien, une vache, une tourterelle, un pigeon, un arbre, un bureau, un ordinateur, car ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98 est-il mieux que Windows 95? Là est ma question. Car ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Et Windows 98, il vaut mieux qu'un Windows 95. Windows, elle débugger, procédure, les fonctions, la triple injection, les températures internelles de la fréquence multiplexade.